Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-on éduquer à la morale? Peut-on éduquer moralement un individu? Si vous avez raté les deux premières émissions sur Kant, pas de problème. Voici un petit rappel de la leçon de morale par une institutrice et Jacques Brel. Nous allons ce matin faire quelques révisions ensemble. Marthe va venir nous lire la leçon de morale. Soyons polis, obéissants et respectueux envers nos parents. Ils se privent pour nous et veillent sur nous. Soyons reconnaissants. Très bien, Ma. Qui se souvient de la morale de ces derniers jours? Juliette? Un bon cœur vaut mieux qu'un beau visage. Très bien. Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi, élevé dans les traditions? Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi, élevé dans la religion? Il me faudrait du temps, mais du temps j'en ai pas. Pour elle, je travaille tout le temps. La nuit, je veille de nuit. Le jour, je veille de jour. Le dimanche, je fais des extras. Et même si j'étais moins lâche, je trouve que ce serait dommage de salir ma réputation. Bien sûr, je dors. Bonjour Antoine Grandjean. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes maître de conférences en philosophie allemande à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez beaucoup écrit sur Kant, notamment la philosophie de Kant, tout simplement, dans la collection Repères chez Vrin. Alors de quel côté de la morale vous situez-vous? Celui de l'institutrice qui apprend les bonnes manières ou celui de Jacques Brel, plus pragmatique, qui se demande comment tuer l'amant de sa femme? Comment je me situe moi? Oui, ou pour commencer, qu'on fasse connaissance un peu. Si je dois me dire qu'ancien, je dirais que je me situe d'aucun de ces deux côtés. Ah oui. Parce que d'une part, s'il faut s'éduquer ou une éducation à la morale, une formation morale, il s'agit d'abord d'apprendre pour Kant à être libre. Et apprendre à être libre, ça s'apprend librement, de sorte qu'il ne s'agit jamais d'apprendre par cœur des leçons de morale. Qui plus est, des leçons de morale qui exposent simplement des conventions sociales et a fortiori sur un fond de culpabilisation. Hein, il faudrait être reconnaissant à ses parents de leur privation. Donc, d'ailleurs, peut-être que l'un entraîne l'autre. Hein. C'est quand on inculque la morale de cette façon qu'on a ensuite envie, devenu adulte, de tuer l'amant de sa femme. Alors ça, c'est tout à fait possible, oui. Et donc, on ne sait pas non plus quelque chose que Kant thématiserait comme un projet éducatif que d'apprendre à tuer l'amant de sa femme. Je pense qu'on va le voir, il se situe, comme souvent, comme le tiers de toutes ces solutions courantes. Mais vous venez de dire que pour Kant, dans la morale kantienne, si tant est qu'il y ait une morale kantienne, dans la description que Kant propose de la morale, nous devons apprendre à être libres. Or, nous avons dit lundi et hier que l'homme était libre et qu'il, pour agir moralement, il fallait reconnaître la liberté que nous avons d'obéir à la loi morale. Et vous nous dites non, on apprend à être libre. C'est-à-dire que tout ce que l'homme est, il doit d'abord le devenir. Kant est très, très, très insistant sur ce point. Tout est acquis. C'est-à-dire que ce que nous sommes, et en l'occurrence libre, ça a le sens d'une destination. Nous sommes au fond destinés à devenir libres, appelés à cette liberté. Et être libre s'apprend. Encore une fois, nous ne naissons pas libres, nous le devenons. Et nous ne pouvons le devenir que librement. Donc en fait, Kant est beauvoirien avant l'heure. C'est tout à fait soutenable comme thèse. Alors comment apprendre à devenir libre? Est-ce que c'est le genre d'analyse et même de proposition que Kant nous propose dans la critique de la raison pratique? Tout à fait. À la fin de l'ouvrage, qui est donc moins lu que le début, si tant est que le début le soit beaucoup, mais grâce à vous, il le sera davantage. À la fin de l'ouvrage, Kant produit une théorie de la pédagogie morale ou de l'éducation morale, de la formation à la moralité, qui est requise parce que toutes les analyses qui précèdent et qui établissent que nous sommes libres, que nous sommes conscients de l'être parce que nous sommes soumis à une loi morale, toutes ces analyses supposent que précisément nous acquérions cette conscience de la loi et, au fond, que nous puissions accéder à ce à quoi nous sommes destinés, cette liberté qui n'est jamais, encore une fois, quelque chose qui est donné d'emblée. Pour apprendre à reconnaître notre liberté, donc la possibilité que nous avons d'agir moralement, sachant que de cette possibilité naît l'idée même de devoir, nous ne pouvons pas simplement écouter un professeur, c'est ce que vous avez dit, c'était le sens de l'extrait qui a ouvert cette émission. Ça ne veut pas dire pour autant que toute forme d'enseignant, voire de modèle, n'est pas un rôle à jouer dans l'éducation morale. Je vous propose qu'on écoute un texte qui se trouve au début de la critique de la raison pratique, qui laisse penser qu'une éducation morale du sujet peut avoir lieu à condition de s'inspirer de personnes qui agissent moralement. Écoutez ce texte assez étrange où Kant s'adresse directement à un auditeur auquel il raconte une histoire. Qu'on raconte l'histoire d'un honnête homme que l'on veut pousser à se joindre aux diffamateurs d'une personne innocente et par ailleurs démunie. On lui offre des avantages, c'est-à-dire de riches cadeaux, ou un rang élevé. Il les refuse. Cette attitude provoquera simplement de l'assentiment et de l'approbation dans l'âme de l'auditeur, parce qu'il ne s'agit que d'avantages. On commence alors à le menacer de lui faire subir des préjudices. Il y a, parmi ses diffamateurs, ses meilleurs amis, qui lui retirent maintenant leur amitié, des proches parents, qui le menacent de le déshériter, des gens puissants, qui en tout lieu et en toutes circonstances peuvent le persécuter et l'humilier, un souverain, qui le menace de lui ôter la liberté, voire la vie même. Mais, pour lui donner aussi à sentir, afin que la mesure de sa souffrance soit comble, la douleur que seul un cœur moralement bon peut ressentir au plus profond de lui-même, qu'on se représente sa famille, menacée d'une détresse et d'une misère extrême, le suppliant de céder, qu'on se le représente lui-même comme n'étant justement pas, quoique intègre, d'une constitution invulnérable et insensible au sentiment de la compassion et à celui de sa propre détresse, mais restant pourtant fidèle, à un moment où il souhaite n'avoir jamais vu le jour qu'il a exposé à une aussi indicible douleur, à sa décision d'être honnête. Et cela sans hésiter, ni même douter. Alors, mon jeune auditeur s'élèvera graduellement de la simple approbation à l'admiration, de là à l'étonnement, enfin à la plus haute vénération et à un souhait ardent de pouvoir être lui-même un tel homme. Et pourtant, la vertu n'a ici tant de valeur que parce qu'elle coûte beaucoup, et non parce qu'elle rapporte quelque chose. J'affirme par conséquent qu'il faut que le devoir, et non le sentiment du mérite, ait sur l'esprit l'influence non seulement la plus déterminée, mais aussi, s'il est représenté sous le vrai jour de son inviolabilité, la plus pénétrante. Le souci pédagogique de Kant s'entend dans l'adresse qu'il forme à son auditeur. C'est un jeune auditeur, nous dit-il, Antoine Grandjean. Il ne doute pas que cet auditeur, en écoutant l'exemple d'un homme qui, même dans une indicible douleur, refuse de mentir, même lorsqu'on le menace que sa famille était à deux doigts de le désavouer, il refuse de mentir. Et bien, chez le jeune auditeur, nous dit Kant, s'élèvera graduellement un sentiment qui va de la simple approbation, l'admiration, jusqu'à l'étonnement et enfin la vénération. Bon, honnêtement, si vous me posez la question, est-ce que si ma famille est prête à me désavouer, est-ce que je vais résister, ne pas mentir, je vous réponds non. Alors pourquoi postule-t-il qu'en fait tout le monde serait prêt à dire oui ? Alors, il ne postule pas du tout que tout le monde serait prêt à dire oui. Précisément, si cet homme est admirable, c'est parce qu'il fait montre d'une exceptionnelle résolution morale. Et c'est ça qui suscite chez l'auditeur l'admiration, la vénération. Kant pense que la très très grande majorité des hommes succomberont dans cette situation et céderont à la fois aux menaces qui portent sur eux, aux supplications de la famille, etc. Donc ils ne pensent certainement pas qu'il est courant de se tenir à ce niveau de résolution morale. En revanche, ce qu'il soutient, c'est que même un enfant de 10 ans, c'est un enfant de 10 ans qui est ici concerné, même un enfant de 10 ans ne pourra pas faire autre chose devant cet exemple que ressentir ses sentiments. Alors, dans cette situation, qui donc incarne typiquement la pédagogie morale telle que Kant la conçoit, il y a plusieurs choses qu'on peut souligner. D'abord, en effet, la forme. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire à un enfant, voilà ce que tu dois faire. Il s'agit de lui raconter une histoire. Donc on est dans un récit et non pas dans une sorte de catéchisme. Ensuite, ce récit, il produit des effets qui sont d'un ordre, en termes kantiens, qu'on dira esthétique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éveiller des sentiments chez ce jeune enfant, l'étonnement, l'admiration et pour finir, la vénération. Et enfin, donc, récit, sentiment, et enfin, devant quoi? Quel est le motif, au fond, de ces sentiments? Qu'est-ce qui éveille cette admiration? Eh bien, c'est le fait qu'un homme, au fond, soit capable de mettre la résolution morale, la fidélité à cette injonction qu'il entend d'obéir au devoir, et on verra de quel devoir il s'agit ensuite, en quoi cette résolution morale peut vaincre tous les motifs, tous les ressorts qui surgissent de la sensibilité, que ce soit son propre intérêt, que ce soit la fuite des douleurs qui lui sont promises, que ce soit les supplications de sa famille, et Kant précise dans ce texte qu'il s'agit d'un homme qui n'est pas doué d'empathie, ce n'est pas un homme froid, et donc il souffre, mais au fond, il est capable de mettre la résolution morale au-dessus de cette souffrance et de cette situation absolument intolérable, qui le conduit à à souhaiter n'avoir jamais vu le jour. Vous avez raison. Alors, ce dont il ne doute pas, c'est le sentiment de vénération qui va s'éveiller chez l'auditeur qui raconte cette histoire. Voilà. Mais alors, de ça, on peut discuter. Entre quelqu'un qui choisit la vérité sur sa famille, est-ce que cette personne-là va forcément inspirer de la vénération ou alors une forme d'incompréhension? Alors, il n'est pas dit que notre ethos contemporain ressente aussi simplement cette vénération. Alors pourquoi Kant, au fond, estime qu'il doit en être ainsi? Parce que donc le devoir dont il s'agit ici, c'est le devoir de ne pas se joindre au cortège des diffamateurs. L'exemple que prend Kant d'Anne Boleyn, qui est l'épouse d'Henri VIII et qui est accusée à tort par ce dernier d'adultère parce qu'il souhaite s'en débarrasser. Et lorsqu'il obtiendra sa condamnation à mort, il épousera une autre femme le lendemain ou le surlendemain. Donc il s'agit de se débarrasser d'une personne innocente sous de fallacieux prétextes. Et donc, le devoir dont il s'agit ici, c'est le devoir, au fond, de ne pas porter un faux témoignage, un motif qui est récurrent dans la critique de raison pratique et sous la plume de Kant, parce que il s'agit, au fond, de ne pas mentir. Et c'est ce devoir de véracité qui est ici concerné. Et ce devoir de véracité est une figure omniprésente, au fond, dans les réflexions kantiennes. Pour Kant, au fond, transgresser ce devoir, il le dit plus tard dans la doctrine de la vertu, c'est la plus grande violation du devoir envers soi-même, en même temps qu'une transgression extrêmement grave du devoir envers autrui. Et donc, c'est cet exemple-là, celui d'un homme qui est capable, contre tout ce qui devrait l'y conduire, de ne pas céder face à l'interdit du mensonge qui viserait ici à conduire à la mort, en plus, une personne innocente et démunie. On va revenir sur ce devoir de véracité, puisqu'il se situe les simultanés, même du respect de la loi morale est très important pour comprendre la morale telle que la décrit Kant. Mais encore un mot sur la manière qu'a cette histoire d'éduquer, de modeler le jeune auditeur. Dans un autre texte, Kant explique que le bois dont l'homme est fait est si courbe qu'on ne peut rien y tailler de tout à fait droit. C'est dire combien il s'intéresse à l'anthropologie, au bois dont est fait l'homme, et s'interroge sur les manières de modeler ce bois-là. En quoi est-ce qu'une histoire, un récit, voire même peut-être un modèle, pourrait avoir une conséquence directe sur l'agir de l'auditeur ? Alors, donc, en effet, cette question de la matière anthropologique, au fond, conduit Kant à thématiser chez l'homme ce qu'il appelle un penchant au mal, c'est-à-dire que la liberté humaine elle-même penche vers le mal, mais cette liberté, elle est également une destination au bien. Et c'est dans cette tension entre le penchant au mal qui caractérise l'homme comme tel et cette destination au bien qui caractérise l'homme en tant qu'il est une personne, sujet d'une raison pratique pure, c'est dans cette tension que s'inscrit précisément toute la thématique de la pédagogie morale à l'échelle de l'individu, du progrès moral à l'échelle de l'espèce et de l'histoire. l'histoire à la fois individuelle et au fond spécifique hein, de l'homme. Et donc c'est dans cette tension que s'inscrit ce besoin, au fond, d'éveiller chez l'homme une réceptivité, une sensibilité à cette liberté à laquelle il est destiné, et donc au bien qui est la fin propre de cette liberté. Cet éveil, ce qui le suscite, c'est précisément toutes ces situations qui peuvent mettre l'homme en présence de ce qu'il y a de satisfaisant à être libre. Ça, c'est intéressant parce que on a dit les jours précédents qu'il y avait un caractère non pas désintéressé, mais peut-être sans intérêt au sens premier du terme de la morale chez Kant. Et là, vous dites, oui, mais pour éduquer un homme à la moralité, il faut montrer ce que celle-ci a de satisfaisant. Oui, alors un recours à la sensibilité à nouveau. Tout à fait. Je pense que vous l'avez évoqué hier, cette question d'une esthétique morale, c'est-à-dire d'un engagement sensible de la moralité. L'homme est un être fini, sensible, et hors du rapport à la sensibilité, il n'y a rien qui puisse le concerner. Être concerné, c'est toujours d'une certaine manière être affecté. Mais on peut être affecté par des objets eux-mêmes sensibles, ou on peut être affecté par la raison pratique, et en l'occurrence par la liberté. Et ce que Kant explique dans la critique de la raison pratique, c'est que ce qu'il s'agit de faire surgir, donc chez le préadolescent, si l'on veut, parce que Kant explique qu'il ne faut pas parler de morale à des jeunes enfants, c'est aussi un autre point que j'aurais pu évoquer à la lecture du premier, enfin à l'extrait que nous avons entendu en ouverture de l'émission. Kant est rousseauiste sur ce point et contre tout un tas d'autres auteurs, dont Locke tout particulièrement, Kant explique qu'il ne faut pas parler de morale à des jeunes enfants. Pourquoi pas ? Parce que précisément, il faut une certaine maturité, il faut entrer en possession de sa raison, il faut entrer en possession de sa propre liberté pour que la morale puisse faire sens. Sans quoi, précisément, ce qu'on produit, c'est un comportement mécanique, une intériorisation de contraintes, ce qui est tout le contraire de ce que doit viser une pédagogie morale. Il faut donc s'adresser à des enfants de 7, 8, 9, plutôt 9, 10 ans, et non pas avant, parce que sinon on produit de la contrainte, de la nécessité du mécanisme, au lieu d'éveiller à la liberté. C'est trop tôt avant. Et donc, ce qu'il s'agit d'éveiller chez ces pré-adolescents, si l'on veut, c'est une satisfaction d'être libre. Satisfaction d'être libre, ça veut dire quoi pour Kant ? Ça veut dire que prendre conscience de cette liberté, prendre conscience du fait que la nature est, en dernière instance, sans pouvoir sur notre volonté, hein, cela produit précisément une satisfaction au sens où je sens que la liberté, d'une certaine manière, est plus forte que tout. Mais le risque n'est-il pas alors, dans ce cas, d'agir pour se faire plaisir, pour ressentir la satisfaction, ce qui serait une action immorale pour Kant ? Tout à fait. Alors, il ne s'agit pas de produire ici une motivation de l'action. Il s'agit au contraire d'éveiller chez ces sujets le sentiment du fait que agir sans être motivé par le plaisir, c'est satisfaisant. Et ça développe un intérêt pour la rationalité, un intérêt pour la liberté, qui, cet intérêt, hein, est un intérêt rationnel qui, lui, produira, d'une certaine manière, des effets de conduite. Mais il ne s'agit certainement pas d'apprendre à agir parce que cela fait du bien d'être libre. Mmh. Il s'agit de susciter chez ces préadolescents une sensibilité à ce qu'être libre a d'intéressant. Kant est un lecteur de Rousseau, non seulement du Rousseau politique, mais aussi de l'Émile de Rousseau, dans lequel Rousseau propose une sorte de pédagogie, de méthode d'éducation qui veut ne suivre aucune méthode précisément. Et d'ailleurs, ce livre, dit-on, serait une des raisons pour lesquelles Kant aurait dévié de sa promenade quotidienne. J'ai dit lundi que c'était la parution du Contrat social qui avait fait dévier Kant de sa promenade. En fait, c'est l'Émile. C'est-à-dire combien cette question de l'éducation est très importante pour Kant. Oui, encore une fois, on l'oublie souvent parce que comme Kant, c'est un fondateur qui, dans tous ses grands ouvrages, dans toutes les critiques, consacre de très longues pages à établir quelque chose, à légitimer quelque chose, on oublie toujours que ce moment de fondation, ce moment de légitimation, ouvre constamment sur un questionnement concernant l'appropriation, la subjectivation, dirions-nous aujourd'hui, de ces moments de rationalité, qu'ils soient théoriques ou qu'ils soient moraux. Alors vous dites, il ne faut pas éduquer à la morale un enfant trop jeune. Y a-t-il un âge au-delà duquel il est trop tard pour éduquer moralement quelqu'un ? Est-ce que ceux de nos auditeurs qui ont plus de 13 ans sont on ne peut que les on ne peut que les inviter à se rendre sensibles s'ils ne sont déjà à cette satisfaction d'être libre. Ça ne peut pas faire de mal. Non, ça ne peut pas faire de mal, ça c'est sûr, encore heureux. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas un âge au-delà duquel en fait, l'esprit est moins modelable ou même le comportement ? Alors sans doute, hein, sans doute, c'est-à-dire que plus on s'endurcit dans le mal, plus il sera difficile d'en sortir, sachant que cette sortie hors du mal, hein, qui est une sortie au fond toujours reportée, c'est-à-dire jamais totalement accomplie, hein, l'homme ne peut que se parfaire, il n'en a jamais fini de se rapprocher du bien. Cette sortie hors du mal, elle est difficile pour tout le monde, et a fortiori pour celui qui se sera longtemps endurci. Mais en même temps, puisque nous sommes destinés à être libres, hein, il n'est jamais absolument trop tard, et de même, on ne pourra jamais arguer du fait de ce retard pour tirer de quelconque excuse. Hein. Les scélérats endurcis sont en droit aussi libres que ceux qui auront reçu, dès le plus jeune âge, au fond, une éducation morale à peu près digne de ce nom. Hein. Et sachant que, puisqu'il s'agit d'éduquer, au fond, à la liberté, Kant insiste très fortement sur ce que sa pédagogie a d'inouï. Hein. Et donc, au fond, d'une certaine manière, autant la moralité est présente dans la conscience commune, autant les pédagogues moraux, oubliant qu'il s'agit de tout fonder sur cette liberté radicale à laquelle nous sommes destinés, autant les pédagogues moraux ont constamment dans l'histoire fait fausse route. Ouais. De sorte qu'il ne s'agit pas de dire que aucun bien ne pourrait advenir sans cette pédagogie morale, sans quoi il n'y aurait jamais eu aucun bien. Simplement, il s'agit de se donner les moyens de renforcer cette possibilité, de la rendre réellement effective, et ces moyens, ils sont pédagogiques. Mais il y a une forme d'optimisme qu'on trouve chez Kant, qui consiste à dire que c'est en éduquant à la liberté qu'on éduque à la morale. Tout à fait. Alors optimisme, le mot est délicat, parce que, encore une fois, Kant, c'est celui en même temps qui affirme que la liberté humaine penche vers le mal, que... Mais est destinée vers le bien. Mais voilà, un penchant au mal, voilà, et destination au bien, donc voilà, la destination l'emporte. Alors elle l'emporte en droit. Dans les termes, en tout cas, destination est plus fort que penchant. Oui, c'est-à-dire il y a une asymétrie entre les deux. C'est-à-dire que le penchant ne pourra jamais étouffer la disposition. Hein. Mais en ce qui concerne l'efficace de ces deux dimensions, la règle, c'est plutôt le mal. Et donc c'est de ce mal qu'il convient de sortir. Tout bien sera acquis. Encore une fois, éduquer, c'est contribuer à cette sortie hors du mal qui est un peu le programme moral de l'humanité. Et Kant souligne, là encore, c'est le caractère inouï de cette pédagogie, il en a tout à fait conscience et il insiste à de très nombreuses reprises sur ce point. Kant soutient que ce qui est le plus efficace, et c'est ça que l'on voit dans l'exemple que vous avez rencontré dans le texte que vous avez lu, ce qui est le plus efficace, c'est précisément pas de flatter ou d'attirer le sujet vers la moralité, ce qui est le plus efficace, c'est la représentation du devoir dans sa pureté. C'est cette puissance de la pureté, c'est une thèse fondamentalement kantienne, et pourquoi ce qui est devoir dans sa pureté, défait de tout intérêt, de tout avantage, voire exposé dans une situation où suivre son devoir, ça va être souffrir, pourquoi c'est cette pureté qui est ce qu'il y a de plus efficace, parce que précisément, c'est dans cette situation-là qu'au fond, il n'y a plus d'équivoque, que la liberté se révèle comme indépendance par rapport à la nature, et c'est cette, encore une fois, indépendance de ma volonté dans sa détermination par rapport à tous les motifs naturels qui pourraient m'assaillir, qui est ce qu'il y a de satisfaisant. De sorte que ce qui m'intéresse, c'est cette pureté, ce qui produit cet intérêt pour la moralité, c'est cette représentation du devoir dans toute sa pureté. Alors pourquoi le mensonge est-il banni de la morale kantienne? Pourquoi, vous l'aviez dit tout à l'heure, une telle importance accordée à la véracité comme étant une condition peut-être de l'acte moral? Je vous propose qu'on écoute un autre texte, toujours tiré de la Critique de la raison pratique, dans lequel Kant explique que ne pas mentir serait une condition de la dignité humaine. On va voir ensemble, Antoine Grandjean, il y a quelques termes qu'il faut qu'on définisse, ces termes du lexique kantien pour comprendre la morale telle que nous la décrit Kant. Celui de dignité en fait partie, celui de personnalité morale aussi. Et les deux s'articulent autour de cet interdit, ou peut-être cette demande à ne pas mentir. Pourquoi une telle demande? Écoutez ce texte et soyez attentifs au lexique employé par Kant, un lexique extrêmement fort à l'égard de celui qui ose ou cède au mensonge. Cette idée de personnalité qui éveille le respect et qui nous met devant les yeux la sublimité de notre nature est, même pour la raison humaine la plus commune, naturelle et aisément saisissable. Tout homme, ne fût-il même que moyennement sincère, n'a-t-il pas, à l'occasion, trouvé qu'il s'est abstenu d'un mensonge par ailleurs inoffensif, par lequel il pouvait ou bien se tirer lui-même d'une fâcheuse affaire, ou bien même être utile à un ami très cher et plein de mérite, uniquement pour ne pas être obligé, secrètement, de se mépriser à ses propres yeux. Un homme droit, dans le plus grand malheur de la vie, qu'il aurait pu éviter s'il avait seulement pu se résoudre à passer outre au devoir, n'est-il pas soutenu par la conscience d'avoir, malgré tout, en sa personne, préservé et honoré l'humanité dans sa dignité, de n'avoir pas sujet d'encourir la honte devant lui-même, et de craindre le regard intérieur de l'examen de conscience? Cette consolation n'est pas le bonheur, elle n'en est pas même la plus petite partie, car personne ne souhaitera d'avoir l'occasion de l'éprouver, ne souhaitera peut-être pas même une vie dans de telles circonstances. Mais cet homme vit, et il ne peut supporter d'être à ses propres yeux indigne de vivre. Ne pas mentir, mais au nom de quoi? Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Kant et de sa critique de la raison pratique cette semaine. Aujourd'hui, en compagnie du philosophe Antoine Grandjean, avec lequel nous allons essayer de comprendre ce texte, nous avions vu que Kant ne donne pas un contenu à la morale, hein, qu'il esquisse une forme, une formule même à suivre pour agir moralement. Pourtant, ici, dans ce texte, il ne manque pas de mots durs pour qualifier, plutôt disqualifier le mensonge. Il parle de mépris, de honte. Il parle d'une vie indigne qui ne vaudrait pas la peine d'être vécue. C'est donc bien qu'il condamne le mensonge. Il prend ici position, il définit ce qu'est le mal, ce qui est encore quand même une manière de donner un contenu à la morale, Antoine Grandjean. Oui, alors Kant ne dit pas qu'il n'y a pas de contenu moral. Il dit que ce contenu moral, on ne peut le dériver ou le déterminer que depuis une compréhension formelle de la loi. C'est-à-dire que la loi... elle exige de nous que nous agissions d'une manière dont nous puissions tenir qu'elle est universalisable. Mais cette formule, elle détermine bien à chaque fois des manières d'agir bien précises et elle débouche sur des obligations positives aussi bien que sur des interdits. Et notamment, un interdit, si on veut, cardinal, c'est l'interdit de mentir. Alors, pourquoi cet interdit de mentir ? Oui, pourquoi celui-ci, non pas l'interdit de tuer ou autre ? Alors, bon, il y a tout un tas de conduites qui sont proscrites et, ou d'autres prescrites. Mais Kant prend souvent cet exemple du mensonge, qui n'est qu'un exemple, mais pas n'importe quel exemple, parce que pour lui, mentir, c'est un type de conduite qui à la fois viole les devoirs d'autrui, et un viole les devoirs envers soi-même. Le texte que vous avez lu concerne plutôt cette dimension de devoir envers soi-même, puisque, au fond, le sujet dont il est question ne veut pas être mis en situation de se mépriser lui-même, d'avoir honte de lui-même, etc. De sorte que c'est plutôt cette dimension de devoir envers soi-même. Mais mentir, c'est transgresser un devoir envers autrui aussi, transgresser un devoir envers autrui, puisque mentir, si vous voulez, c'est manipuler autrui, qui ne peut donc, au fond, renfermer en lui-même la fin de la conduite en question. Mentir, c'est manipuler. Manipuler, c'est instrumentaliser. Instrumentaliser, c'est réduire au rang de moyen. Donc, une des formules de l'impératif catégorique, c'est que on ne doit pas réduire autrui au rang de moyen, mais toujours en même temps le considérer comme une fin en lui-même. Mentir, c'est le réduire au rang de moyen de parvenir à mes fins, lorsque je mens à quelqu'un. Mais on peut mentir pour son bien. Alors oui, mais... Mentir à quelqu'un pour le préserver, au contraire, oui, parce qu'on le considère comme une fin. Oui, mais mentir à quelqu'un pour son bien, c'est précisément lui retirer la détermination autonome de ce bien. Puisque si je dois lui mentir, je l'instrumentalise pour un bien dont moi je juge qu'il est le sien, et dont lui-même n'est pas le dépositaire ici. De sorte que mentir à quelqu'un pour son bien, c'est agir mal. C'est nécessairement instrumentaliser autrui en lui retirant la détermination possible de la finalité de cette situation. Et donc c'est une transgression du devoir envers autrui, plus radicalement parce que, en fait, la parole, c'est ce qui sert à communiquer des pensées, c'est-à-dire à faire communauté, hein, et mentir, c'est faire un usage de la parole qui, au contraire, produit de l'anticommunauté, produit de la scission. Puisque mentir, ça n'a de sens qu'en maintenant précisément autrui à distance de ce que je pense. De sorte que mentir, c'est faire un usage de la parole qui détruit le sens de la parole. Et au fond, il n'y aurait plus de parole possible si tout le monde mentait, parce qu'une parole n'est possible qu'en tant qu'elle est reçue. Et inversement, une parole qui ne dirait que la vérité rendrait sans doute impossible aussi la société et la vie même à plusieurs, voire même à deux. Alors, ça dépend de quelle vérité on parle, de vérité des faits ou vérité de pensée. Non, alors Kant soutient également ce que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire que être vérace, ne pas mentir, c'est penser tout ce que l'on dit. Nous devons penser tout ce que nous disons. Mais être vérace, ce n'est pas être transparent dans le vocabulaire kantien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire tout ce que l'on pense. Et Kant explique, au contraire, que dire tout ce que l'on pense, ce ne serait possible que si nous étions des anges. C'est une conduite qui est un idéal dans certaines relations humaines, à savoir l'amitié et l'amour. C'est un idéal de l'amitié et de l'amour que, au fond, cette transparence des cœurs, cette ouverture intégrale des cœurs, dit Kant. Mais dans les relations sociales, en général, nous sommes obligés à la véracité, mais non pas à la transparence. Nous avons tout à fait droit à ce que Kant appelle la réserve. Donc ça, c'est un point. Et mentir, c'est aussi une transgression du devoir envers soi-même, dit Kant, parce que mentir, c'est, je le disais, faire un usage de la parole qui est un usage, au fond, pathologique, puisque c'est si la parole s'est faite pour communiquer, mettre en commun, mentir, c'est faire un usage de la parole qui est pathologique, qui détruit le sens même de la parole. Celui qui ment, c'est celui qui fait de lui-même un usage bien précis. Celui, dit Kant, qui se réduit au rang de machine parlante, de machine à parler, puisque ses paroles ne sont plus l'expression de ce qu'il pense. Ainsi, celui qui ment fait de l'être parlant qu'il est un simple moyen, un simple instrument, une machine à parler, c'est-à-dire, en termes kantiens, une chose, un moyen, qui n'a de sens que relatif, et non pas une personne qui a une dignité et qui est une fin en soi. Celui qui ment, c'est celui qui se réduit comme être parlant à une machine. Mais le problème est du côté du langage. C'est pas l'acte même de se mentir sans même formuler les choses qui pose un problème, c'est le fait de le formuler à travers le langage. Non, parce que Kant thématise également la possibilité de mensonge à soi-même, c'est-à-dire de mensonge, si on veut, tacite ou silencieux. Et il explique qu'il existe des mensonges à soi, une mauvaise foi, une forme de mauvaise foi, c'est un fait empiriquement incontestable. Les gens se mentent à eux-mêmes, dit Kant. C'est plus compliqué d'expliquer comment il est possible de se mentir à soi-même, puisqu'il faut avoir l'intention de se tromper soi-même. Et cette dimension intentionnelle de la tromperie, lorsque on a rapport à soi, est difficile à comprendre. Et au fond, ce que ça implique, c'est que la subjectivité humaine, c'est une subjectivité scindée. On peut être plusieurs, au fond, et se tromper soi-même. Donc, c'est pas vraiment la dimension de parole qui est seule fondamentale, c'est la dimension de tromperie. Mais dans les relations interhumaines, cette dimension de tromperie, elle n'a pas de véhicule plus efficace, d'une certaine manière, que la parole. La parole, c'est ce qui est destiné à faire, encore une fois, communauté, à mettre en commun, à faire communauté, mais ce moyen est celui qui peut se retourner par excellence contre sa fin, parce que tromper, c'est également ce que le langage permet au premier chef. Mais est-ce qu'ici le souci ne serait pas celui de la sincérité plus que de la vérité, en Alors réalité ? Oui, c'est ce que Kant explique là encore, hein. Il ne s'agit pas de dire la vérité, il s'agit d'être vérace, c'est-à-dire sincère. Je peux me tromper dans ce que je dis, L'important, c'est que je le crois. Si je crois ce que je dis, je suis sincère, même si j'énonce quelque chose qui est faux. Et la vérité, c'est une catégorie théorique, descriptive. La véracité, c'est une catégorie pratique qui engage le rapport que le sujet qui parle entretient avec sa propre conviction. Cette conviction peut être erronée, elle peut être fausse, mais ce n'est pas ça la question. Ouais. Nous n'avons pas un devoir de vérité, nous n'avons pas un devoir de ne pas nous tromper, nous avons un devoir de véracité, c'est-à-dire un devoir de ne pas tromper autrui. Et qui est une condition de la moralité, ce devoir de véracité. Alors, on ne peut être moral, si tant est que quiconque le soit, si l'on n'est pas vérace, en effet. À ceci, à ce constat-là, cette description-là, un philosophe postérieur à Kant trouve à redire. Voici une objection formulée ici par Vladimir Jankélévitch. Qu'est-ce que c'est qu'une sincérité sans l'amour? Ça ne vaut rien. Mieux vaut être un hypocrite, alors. L'amour n'est pas étranger à la vérité, mais je dirais même qu'il est une survérité. Il est fondateur de la vérité. Et c'est pourquoi la sincérité en elle-même ne vaut rien. Et ceux qui la prêchent indépendamment de l'amour, comme Kant, qui est un théoricien du désintéressement, mais qui s'évertue à ne pas prononcer le mot d'amour, qu'est-ce que c'est que cette sincérité-là? C'est comme d'être sincère avec la Gestapo, par exemple. Si je cache un résistant dans une armoire, et qu'on me dit est-ce qu'il est là? Et si je dis oui, il est là parce que c'est vrai, qu'est-ce que je suis? Je suis un gredin, n'est-ce pas? Donc mon devoir le plus sacré est de mentir. Donc le mensonge, à ce point de vue, est plus précieux que la vérité. On pardonnera à Jankélévitch d'atteindre le point Godwin en moins de 20 secondes, puisque lui-même est quand même très préoccupé par la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, tout ce que dit Kant sur le devoir de ne pas mentir, y compris dans les cas les plus critiques, a été beaucoup critiqué après la Seconde Guerre mondiale, justement, les exemples qu'il prenait de cacher chez soi quelqu'un recherché par la police prenaient un tout autre écho. Cela dit, ce que dit Jankélévitch se tient. Lui, il dit la sincérité en elle-même n'est rien. Autrement dit, d'où vient cette valorisation de la sincérité que propose Kant, Antoine Grandjean? Alors oui, donc on pourra, si vous voulez, éventuellement évoquer ensuite cet exemple. Hein. L'objection a été faite à Kant précédemment. Il y a un texte très célèbre de Benjamin Constant sur ce point. Même si dans ce texte, Kant, à mon avis, ne vise pas véritablement Kant, il se trouve que Kant s'est reconnu et donc a répondu. Hein. Alors qu'il n'y a pas une vraie controverse entre Constant et Kant sur cette question. Kant l'a fait tout seul, cette controverse. Mais bon, on pourra en discuter éventuellement si vous souhaitez plus tard. Ce que dit Jankélévitch, c'est-à-dire que la sincérité ne vaut rien. Bah, mais ce ne suffit pas en elle-même. Ouais, il dit elle ne vaut rien. Enfin, c'est-à-dire que l'absolu, c'est l'amour. L'absolu, c'est l'amour. Tout le reste, au fond, est relatif, ne prend sens que dans cette situation. Eh bien, c'est une conception, encore une fois, de la moralité et des relations humaines qui est absolument anti-kantienne. On peut difficilement faire moins kantien. L'amour, si c'est un sentiment, n'a pas en lui-même de sens moral. Il est régi par des exigences morales, mais lui, il n'a pas de sens moral, ce sentiment. Et s'il doit avoir un sens moral... ce qu'on trouve aussi chez Kant, hein, cet amour, c'est une sorte d'idéal du respect. Et au fond, progresser moralement, c'est se rapprocher d'une relation, au fond, qui pourrait s'identifier avec le terme d'amour. Mais alors, c'est un amour qui lui-même a un sens moral et qui signifie, d'une certaine manière, l'adéquation d'une personne à sa destination, l'adéquation d'une personne avec la personnalité de l'autre, de sorte que c'est une sorte voilà, d'idéal, au fond inaccessible, mais vers lequel il faut tendre. Mais alors, ce n'est pas un sentiment, au fond, c'est le nom, enfin si c'est un sentiment, mais ce n'est pas un sentiment qui est passivement reçu, c'est le nom d'une manière d'être avec autrui. Oui, mais ce que dit Jankélévitch, c'est que la morale kantienne ne tient pas. C'est que dans le cas où, pendant la Seconde Guerre mondiale, je cacherai des juifs chez moi et que la Gestapo frappe à ma porte et me demande si des juifs sont chez moi, si je suis la morale kantienne, je dois dire oui, puisque je ne dois pas mentir. Alors, et Jankélévitch dit, est-ce que là, l'amour ne vient pas prendre le dessus sur la sincérité? Ne vaut-il pas mieux cacher ses amis juifs plutôt que de les dénoncer au nom de la morale? Alors bon, il faudrait regarder en détail ce texte hein, qui est assez piégeux. Parce qu'il le prend cet exemple Kant, voilà. Évidemment. Alors c'est un exemple qui traîne dans la littérature, hein, donc pas c'est pas Gestapo et les Juifs évidemment, mais d'un innocent qui est caché chez moi et qui est dont les poursuivants frappent à ma porte et dans cette situation qu'est-ce que je dois dire? C'est un exemple qui traîne au fond dans la tradition. Hein. Ça remonte au fond à Augustin ce motif. Et puis il y a il y a un texte du XVIIIe siècle dans lequel un auteur, qui pour nous est totalement obscur, soutient qu'il faut dire la vérité. Il faut être vérace dans ce cas-là et donc livrer cette personne qui est réfugiée chez moi. C'est à ce texte-là que Constant fait référence en parlant d'un philosophe allemand. Et ensuite, l'éditeur de Constant en Allemagne, de la traduction allemande de Constant, fait une sorte de coup éditorial en disant « ce philosophe allemand, c'est Kant ». Alors c'est un coup éditorial intéressant, c'est-à-dire que c'est un cas de publicité mensongère, puisque le directeur de cette publication, au fond, va attirer Kant dans une controverse qui, au début, ne le concerne pas, ce qui, pour une revue qui se lance, est parfait, parce que Kant, c'est quelqu'un à l'époque. Donc il attire Kant dans cette controverse, mais et Kant tombe dans le piège en disant « oui, j'ai dit ça quelque part », ce qu'il n'a, à ma connaissance, dit nulle part. Et Kant embraye en disant « je l'ai dit, et c'est vrai, il faudrait être vérace, c'est-à-dire, au fond, livrer celui que j'accueille ». Donc c'est piégeux au sens où, vous voyez, c'est une controverse qui ne vient pas de Kant lui-même, et il se raccroche à quelque chose qui lui aurait été imputé, et dont il croit se reconnaître, ce qui en fait n'est pas le cas. Oui, mais et donc, il produit une réponse d'un prétendu voilà. Droit de mentir par humanité. Donc okay. il est un peu il revient sur cette question. Piégé par une situation dans laquelle il maintient quelque ouais. chose qu'il n'avait pas dit, mais donc du coup il entre dans ce cadre-là. Et alors, à mon avis, on peut, en étant kantien, produire une autre réponse et même montrer que cette réponse, elle n'est pas totalement fidèle à l'esprit du kantisme. Donc la réponse, c'est-à-dire ce qui consisterait à dire oui, je dois dénoncer la personne que je cache chez moi. Car je pense que on peut, en étant kantien, soutenir que si j'abrite quelqu'un, au fond, donner refuge, c'est promettre la protection. Donner l'asile, alors ça pourrait se décliner dans d'autres cas de figure concrets hein, aujourd'hui. Donner l'asile, c'est promettre la protection. De sorte que si, au fond, je livre celui que j'abrite à ses poursuivants qui sont injustes dans le dispositif, qui veulent le tuer, si je livre celui que j'abrite à ses poursuivants, pour ne pas mentir à ses poursuivants qui sont injustes, je mens à celui que j'abrite, puisque je lui avais promis la protection. Mmh. Cette situation, elle est donc, y compris si on est kantien, une situation compliquée, où je dois en fait distinguer entre deux faussetés intentionnelles dans mes déclarations, ce qui est la définition kantienne du mensonge. Soit je mens au poursuivant, en disant que celui que j'abrite n'est pas là. Et je le fais pour rester fidèle à la promesse de protection que j'ai faite à celui qui a trouvé refuge chez moi. Soit je dis la vérité, enfin je suis vérace auprès des poursuivants, ce qui suppose que je mente à celui que j'ai abrité. Bien, et on peut, pour clarifier cette situation qui est compliquée, utiliser d'autres textes de Kant qu'on trouve dans ses leçons de philosophie morale, où Kant explique qu'il faut distinguer entre une déclaration intentionnellement fausse et un mensonge. C'est-à-dire que il y a des déclarations intentionnellement fausses qui ne sont pas des mensonges. Une déclaration intentionnellement fausse, c'est une catégorie, là encore, théorique, descriptive, qui décrit un certain acte de langage. Un mensonge, c'est une catégorie morale. Bien. Tout mensonge est une déclaration intentionnellement fausse, mais la réciproque n'est pas vraie, explique Kant. Parce qu'au fond, si l'on m'extorque un aveu, dit Kant, si l'on m'extorque un aveu pour en tirer moyen d'une conduite injuste. Par exemple, si un bandit me prend à la gorge et me demande si j'ai mon argent sur moi, dit Kant, alors je peux lui dire que je ne l'ai pas et ce ne sera pas un mensonge. Oui, et mais donc, dans les situations que vous prenez, on a quand même envie de se dire mais pourquoi est-ce que c'est la vérité qui compte autant ? Dans le cas lorsqu'on abrite un ami ou un migrant, pour prendre un cas contemporain où on se mettrait hors la loi et la police viendrait nous dire mais vous êtes hors la loi, est-ce que vous abritez des migrants ? Bah, la vérité passe après ce qu'on pourrait appeler une forme de solidarité, d'amour, pour reprendre le terme de Jean Kelevitch, de dignité, puisque c'est un terme si cher à Kant, de dignité humaine. Il s'agit ici de proposer à cet individu qui vit chez moi de vivre dans une forme de dignité qui lui est interdite parce qu'il vit dans la rue ou qu'il n'a pas de pays, justement. Vous voyez ce que je veux dire ? La catégorie de la vérité paraît secondaire dans cette histoire. Alors, mais c'est ce que Kant nie. C'est ce que Kant nie. Ben oui, mais c'est ça qui est difficile à entendre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la véracité est ce à quoi notre dignité nous oblige. Dignité oblige. Et précisément, dès lors que je mens, encore une fois, je lèse les droits d'autrui et je lèse la dignité. Ben, ils sont déjà lésés dans ce cas, de toute façon. Oui, mais par ma conduite, je lèse la dignité en ma propre personne. Et donc, je ne peux pas produire une conduite qui se voudrait, au fond, orientée par le but de maintenir la dignité d'autrui, si cette conduite, dans sa forme même, est au fond productrice d'indignité chez moi aussi bien que chez autrui. Et donc, on ne peut pas, chez Kant, faire passer une exigence de solidarité ou autre au-dessus de l'exigence de véracité. En revanche, c'est la lecture que j'essayais d'esquisser, on peut montrer que, encore une fois, donner refuge à quelqu'un parce qu'il est une personne et que la dignité de cette personne exige la protection, donner refuge à quelqu'un, c'est promettre qu'on va le protéger, et c'est donc aussi ce qui produit un devoir. Et donc c'est dans cette situation compliquée, mais Kant jamais ne soutient que les situations morales concrètes sont simples. Hein. Ça encore, c'est une lecture massive postérieurement à Kant, que de dire, bon, Kant c'est celui qui énonce une formule très claire pour la loi morale, et après ça, tous les problèmes sont résolus. Kant pense que les situations morales concrètes sont toujours compliquées. Simplement, on ne doit jamais utiliser les circonstances pour affaiblir le commandement. Il faut, dans les circonstances, voir ce que le commandement exige de nous, quel type d'action, si on reprend notre situation, sera vraiment un mensonge au sens moral. Est-ce que c'est mentir au poursuivant ou est-ce que c'est avoir menti aux réfugiés, au fond? Et c'est ça une situation morale concrète. Où est le mensonge? Le vrai. Et je pense que dans sa réponse à Constant, Kant, pour le coup, se trompe, au fond, y compris dans son propre esprit, quant à savoir où est le vrai mensonge, est-ce que c'est dans le mensonge, dans la fausse déclaration au poursuivant, ou dans celle qui serait adressée aux réfugiés. Tout l'enjeu ici pour Kant est de savoir ce qui caractérise, on n'a pas encore prononcé le terme, la personnalité morale, ce qui fait cette dignité humaine, c'est au fond ce qui le distingue de l'animal. Seul l'homme ou la femme, seul l'être humain peut agir librement au nom par respect de cette loi morale, et c'est pour ça que la question de la véracité est si importante pour lui. Alors oui, donc cette dignité, ça signifie, c'est un concept qui signifie la valeur absolue. C'est-à-dire que un être qui est doué de dignité, c'est un être qui est doué de valeur absolue. Qu'est-ce qui fait que nous sommes doués de dignité? C'est précisément le fait, encore une fois, que nous soyons non pas des êtres intégralement de nature, car dans la nature il n'y a que du relatif, il n'y a pas d'absolu naturel, c'est le fait que nous soyons libres, libres signifiant également que nous soyons doués d'une raison qui est susceptible de produire des actions simplement en vertu de ses exigences morales. C'est-à-dire que cette valeur absolue, elle nous vient du fait que nous soyons des êtres raisonnables et libres. Bien. C'est également ça le sens de la personnalité chez Kant. La personne, telle que Kant la pense, c'est pas d'abord un concept psychologique qui désigne au fond un être qui a conscience de lui-même et de son identité. C'est un concept qui est d'abord moral dans ce cadre-là. Et la personnalité, cela signifie chez Kant, dans ce registre moralo-éthico-juridique, cela signifie un être qui est libre et qui, parce qu'il est libre, peut se voir imputer ses actions et qui, parce qu'il est libre, a des droits. Mmh. Une personne, c'est un être libre qui a des droits et qui est doué d'une valeur absolue. En ce sens, c'est ce qui nous distingue, vous le disiez, de l'animal, mais pas seulement. C'est ce qui nous distingue, le concept opposé à la personne, c'est le concept de chose, au sens juridique, c'est-à-dire la chose, c'est ce qui peut faire l'objet d'une appropriation, d'un échange, ce qui est doué d'une valeur relative, qui est une valeur d'usage et une valeur d'échange. Les personnes ne sont pas des choses. Les animaux, en ce sens-là, sont des choses pour Kant. Ce que Schopenhauer ne lui pardonnera pas, c'est lui-même qui écrit dans Le Fondement de la Morale, voilà, il parle de Kant, voici, qui offense la morale, c'est cette proposition que les êtres sans raison, les bêtes par conséquent, sont des choses, et qui donc devraient être traités comme des moyens qui ne sont pas en même temps des fins. Et ça, c'est une objection qu'on peut faire à Kant, en effet. Alors, Kant soutient très clairement que, encore une fois, il n'y a pas d'absolu naturel, l'absolu advient avec la liberté, bien, de sorte que les choses naturelles, les êtres naturels, qu'ils soient inertes ou animés. Animés, ça veut dire doués de sensibilité, de désir, ce que Kant ne nie jamais de l'animal, évidemment. Les êtres naturels, et au fond exclusivement naturels, intégralement naturels, ces êtres n'ont de valeur que relative pour ce à quoi ils servent à d'autres êtres. En ce sens, les animaux sont des choses, au sens juridique de choses. Mais Kant n'en conclut pas, au fond, que notre conduite envers l'animal soit quant à elle moralement neutre. Il ne veut pas dire par là que seuls les rapports entre personnes sont doués d'une qualité morale positive ou négative, car ce que nous faisons aux animaux nous fait quelque chose. Oui, mais c'est toujours nous. C'est toujours nous. Comptons. C'est alors pour Schopenhauer nous. Qui vit quasiment en couple avec son caniche, cette idée-là lui est insupportable. Et il représente là quand même un point de vue assez contemporain. Il représente un point de vue contemporain. Sur le droit des animaux. Auquel, à mon avis, justement, la perspective kantienne peut donner un contrepoint intéressant. Parce qu'on a affaire avec cette perspective à un discours qui soutient à la fois que l'animal n'a aucune valeur en lui-même, que seules les personnes ont une valeur, d'accord, absolue, mais qui soutient que ce que nous faisons aux animaux nous fait quelque chose. De sorte que la liberté peut commander un certain rapport à la nature et interdire un certain nombre de pratiques envers la nature. En tant que, encore une fois, ce que nous faisons à la nature peut produire des dommages pour la liberté elle-même. Le mot de la fin revient à Pierre Dac. Comme l'a dit Emmanuel Kant, un jour que... ayant éclusé un peu trop de raison pure, il en avait un sacré coup dans la métaphysique. Toute chose finie n'est jamais entièrement achevée tant qu'elle n'est pas complètement terminée. In a deep dark jungle, long time ago, lived a lonesome caveman. He was a solitary soul. He spent his playtime chewing meat from bones. He didn't know how to talk much. He only knew how to groan. Then he lifted up his hands and reached to the sky. Let out a yell and no one replied. Frustration and torment tore him inside. Then he fell to the ground and he cried and he cried. Et oui, l'éducation par Kant et par The Kings sur France Culture, les chemins de la philosophie. Un grand merci à vous, Antoine Grandjean, d'être venu nous parler de Kant aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je renvoie les auditeurs à votre livre La philosophie de Kant aux éditions Vrin. Il y en a d'autres, on les mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Mais pour l'heure, il est 10h53. Il est grand temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un recueil d'essais du sociologue Christopher Lasch, « Les femmes et la vie ordinaire », paru aux États-Unis en 1997 et republié en format poche le mois dernier chez Flammarion, agrémenté d'une introduction de sa fille, Elisabeth Lasch Quinn. Les travaux réunis dans l'ouvrage concourent tous, chacun à sa manière, à mettre en évidence les relations entre l'idéologie moderne de l'intimité, le nouvel idéal domestique du 19e siècle et le féminisme, pour mieux montrer la non-linéarité des relations hommes-femmes et récuser la théorie selon laquelle, de tout temps, les femmes auraient été oppressées et persécutées par la gente masculine. Et quoi de mieux pour s'en rendre compte, pour l'historien de formation, que de remonter à la racine et d'analyser les différentes conceptions du statut de la femme, de l'amour, du mariage et de la maternité selon les époques. Ainsi, la première partie de l'ouvrage, qui rassemble 4 essais sous le titre « Les manières et la morale », est entièrement dédiée à une description circonstanciée des relations entre les hommes et les femmes dans le monde d'avant la modernité. Si la querelle des femmes, non communément donnée au débat récurrent sur le statut des femmes depuis le roman de la Rose, rédigé par Jean de Meun au XIIIe siècle et aux réactions qu'il a provoquées, tient lieu d'origine du féminisme, Lasch montre que ceux qui débattaient alors des pour et des contre de la féminité ne se demandaient pas si la nature avait établi une hiérarchie entre les sexes. La question qui se posait n'était pas de savoir si la femme était l'égale de l'homme en termes abstraits, mais plutôt dans quelle relation sociale elle était son égale ou son subalterne. Dans une époque où amour et mariage s'excluaient mutuellement, au point que toute la littérature aristocratique de l'amour, comique ou courtoise, tournait autour d'un triangle composé du mari jaloux, de sa jeune et belle épouse et de l'amant de celle-ci. La vie courtoise médiévale n'était donc pas tant une tradition de pure misogynie qu'une dialectique amusée dans laquelle hommes et femmes étaient tour à tour objets de satire. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle et de l'apparition d'une classe moyenne bourgeoise que la vision dynastique du mariage a été remplacée par la vision romantique, d'une union librement choisie. Cependant, dans l'essai « Les mystères de l'attirance », Lage soutient, en s'appuyant sur les travaux de Jean Ackstrom, qu'une contre-tradition d'amour romantique aurait en fait existé avant l'essor de la classe moyenne en Occident, et ce, dès l'Antiquité grecque. Le mariage, dans sa forme idéale, a pu, à travers les époques, être considéré comme la combinaison parfaite entre désir sexuel et respect mutuel. L'auteur se penche alors sur un cas spécifique de cet idéal érotique, la multiplication des mariages clandestins entre amants en France et en Angleterre et leur répression à travers l'obligation de l'accord parental et de la publication des bans. Pour Christopher Lasch, l'évolution de la conception du mariage est la pierre angulaire qui permet de comprendre tout le reste. C'est ainsi qu'à la fin du XVIIIe siècle, la convergence d'une critique de la lady aristocratique, créature de loisirs et bibelot, indicateur de statut, et d'un nouvel idéal du mariage chez les classes moyennes fondées sur le respect mutuel, a vu émerger un culte de la domesticité, créant une nouvelle forme de paternalisme véritablement nocive. La deuxième partie de l'ouvrage suit le fil directeur et, en 5 essais, nous ramène à l'époque moderne via une analyse des relations hommes-femmes au sein de la famille moderne, de la nature changeante du travail, du féminisme et de l'appareil culturel de l'État libéral. Pour Lasch, l'association féminité et domesticité était encore supportable à l'ère où les femmes pouvaient mener des activités en dehors du foyer, en contribuant activement à la sphère publique, notamment entre 1890 et 1920, période pendant laquelle les femmes fondèrent partout en Europe et aux États-Unis de nombreux mouvements, abolition du travail des enfants, établissement de tribunaux pour enfants, construction de logements sociaux, instauration de l'inspection des usines, renforcement des lois sanitaires, abolition ou régulation de la prostitution. C'est le déplacement des classes moyennes vers les banlieues qui a fini d'achever le modèle familial en le transformant en camp de concentration confortable, selon les mots de Betty Friedan. La fameuse famille traditionnelle, où l'homme part travailler tandis que la femme reste à la maison, ne date en fait que du milieu du XXe siècle, ce qui explique la révolte féministe des années 1960 et la volonté des femmes de conquérir des vies d'hommes. En réalité, selon Lasch, pensant s'être libérées du patriarcat traditionnel, les femmes se sont en fait assujetties à un nouveau paternalisme, celui de la société de consommation et de l'État libéral. Pour Lasch, il ne suffit pas de se battre pour l'égalité homme-femme. Encore faut-il se battre pour une vie véritablement vécue, selon ses propres besoins. Loin des exigences imposées par l'économie d'entreprise qui a fini par coloniser les esprits et les familles. Qu'on se le dise, l'ouvrage « Les femmes et la vie ordinaire » de Christopher Lasch, réédité ce mois-ci en poche chez Flammarion, est dérangeant et passionnant. Voilà 2 bonnes raisons pour le lire. Merci beaucoup Anastasia Colosimo, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzincan qui était à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur la critique de la raison pratique de Kant. Demain, nous serons en compagnie de François Calori et nous nous interrogerons sur la place de la sensibilité dans la morale kantienne, notamment autour de la question du respect. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, on se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.